Bonjour mes chers amis, et on continue aujourd'hui notre étude de l'Évangile de Luc. Nous sommes rendus au chapitre 13, verset 23. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le finir aujourd'hui, j'aimerais bien, parce que c'est un ensemble du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre. Mais commençons par la prière. Notre bon Père du ciel, bénis ce temps de méditation. Comme Moïse le disait, et bien d'autres après lui. Seigneur, montre-nous ta face, révèle-nous ta gloire, illumine nos yeux afin qu'on comprenne les Écritures par la puissance du Saint-Esprit que tu as mis dans chacun de tes enfants. Amen. Donc, Jésus est en train de monter à Jérusalem, il sait qu'il va mourir. Dans notre texte d'aujourd'hui, il dit qu'il va, dans 3 jours, il va être à Jérusalem et qu'il va mourir à Jérusalem. Donc, c'est dans ce temps-là que Jésus dit ces paroles-là. Ça l'achève. Il y en a plus beaucoup à dire. Donc, il va se passer juste quelques jours, il va faire quelques miracles, il va raconter quelques histoires comme l'enfant prodigue, comme Lazare le mauvais riche, l'économe infidèle, le juge unique. Toutes ces choses vont venir, mais c'est dans les derniers jours. Et on ressent dans ces histoires que Jésus sait que c'est la fin. Il prend le temps d'avertir Israël, d'avertir ses disciples qu'ils doivent accepter qu'il est le Messie, un Messie crucifié, un Messie mourant, un Messie rejeté, par les autorités du peuple d'Israël, religieuses et politiques, par les autorités romaines, mais qu'il va ressusciter et qu'il va accomplir le royaume de Dieu. Parce qu'il faut bien se mettre dans la tête, mes chers amis, que même les disciples ont bien de la difficulté à suivre. Ils sont bien traumatisés, si je peux dire ça comme cela. Ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas non plus que leur Messie qu'ils suivent depuis 3 ans va mourir. Il ne va pas mourir d'un accident, il ne va pas mourir d'un cancer, il ne va pas mourir tué par les Romains, il va mourir tué par leurs autorités religieuses, qu'eux autres avaient tellement de confiance en eux depuis des siècles. Ces gens-là étaient tous des juifs pratiquants à la synagogue. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, c'était leurs autorités religieuses. Et tout d'un coup, ils doivent accepter ce que Jésus dit. Ces gens-là sont des hypocrites, vous ne devez pas les suivre. Vous devez suivre mon enseignement et vous allez devoir, par la foi, traverser l'autre bord de la croix avec moi et accepter que je suis le Messie. On va voir dans les chapitres 19, 20, 21 que ses disciples vont finalement dire, on pensait que c'était lui, mais il est mort, donc ce n'est pas lui. Mais Jésus va revenir, les aider à passer au travers ce moment difficile de leur vie. Mais ils ne sont pas encore des croyants comme dans la Nouvelle Alliance. Faites attention. Ils sont l'autre bord, eux autres, de la croix, et Jésus va les aider à franchir la croix. Nous, on est ce côté-ci de la croix, et on comprend mieux qu'est-ce qui s'est passé. C'est moins dur d'accepter la croix quand on sait que la résurrection est là, et l'ascension est là, et la venue du Saint-Esprit est là. Mais pour eux, c'est très difficile de passer au travers cela. Donc Jésus nous donne le contexte au verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, faisant route vers Jérusalem. Il ne faut pas oublier ça. Il fait route vers Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il dit ces choses-là. Il sait qu'est-ce qui va arriver à Jérusalem. Les disciples ont peut-être d'autres idées que lui. Mais lui sait qu'est-ce qui va arriver à Jérusalem. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Donc, comme je l'ai dit avant la lecture, le contexte, c'est Jésus monte à Jérusalem. Et il s'en va vers Jérusalem, et je crois que c'est parce qu'il monte à Jérusalem que la question est suscitée. Quelqu'un lui dit au verset 23, « N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Pourquoi poser la question pendant qu'il monte? Faisons attention. Peut-être que ça n'a pas la même connotation que nous pensons. Nous, on va souvent dire, les croyants de la Nouvelle Alliance, il y en a peu de gens qui vont être sauvés. Ça veut dire que nous, on pense qu'ils vont aller au ciel ou faire partie du royaume de Dieu, des nouveaux sur nouvelle terre. Mais pour les gens qui sont là, que Jésus n'est pas encore mort, que le royaume de Dieu n'est pas encore installé comme il devrait l'être, il va l'être dans les semaines qui viennent, dans les mois, dans le mois qui vient. Moi, je crois que le royaume commence avec la venue du Saint-Esprit, qui était la promesse faite par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc la mort, la résurrection, l'ascension, la venue du Saint-Esprit, ça met en place le royaume de Dieu. Mais quand eux autres posent la question, ces gens-là, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus sait de quoi il parle. Et je crois qu'il pose la question parce qu'ils suivent le Messie, parce qu'ils suivent cette personne qui fait des miracles, qui chasse les démons, qui multiplie le pain, qui tient tête aux autorités religieuses, qui les a condamnés, qui les a apostrophés, qui est capable de diriger et qui a des foules par dizaines de milliers qui le suivent. Il s'en va à Jérusalem, finalement. Souvenez-vous, dans Luc, il n'y a jamais mention qu'il est allé avant à Jérusalem. Il est allé avant, mais il n'était jamais allé dans Luc. Mais là, il va. Et je crois que c'est à cause qu'il s'approche de Jérusalem, qu'il va être là dans quelques jours, que les gens posent la question. Parce qu'ils croient que peut-être, finalement, Jésus va mettre en place le royaume. Parce que le roi était couronné à Jérusalem. Le palais royal est à Jérusalem, le temple est à Jérusalem. Donc, je crois qu'ils ont ça en arrière-plan dans leur tête. Combien de gens vont faire partie, Seigneur, du royaume que tu vas établir? Combien? Combien vont être sauvés pour entrer dans le royaume de Dieu? Combien de gens... Parce qu'on se souvient, ça fait déjà quelques temps là, qu'il dit qu'il va condamner, qu'il va couper, qu'il va enlever, qu'il condamne les autorités. Est-ce qu'il croit que Jésus va finalement enlever tous les gens qui sont contre lui et établir le royaume avec ceux qui sont pour lui? Je crois qu'il y a ça dans la tête des gens qui suivent Jésus vers Jérusalem. Verset 24, Jésus répond. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc, il compare le royaume de Dieu ici à une maison. Parce qu'il va dire au verset 25, « Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte de la maison. » Il dit, « Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. » Parce que de beaucoup qui vont essayer de rentrer, on présume par la porte large. Je présume par la porte large. Mais ils ne le pourront pas. C'est seulement ceux qui vont entrer par la porte étroite qui vont réussir à entrer. Efforcez-vous de trouver une porte qui est petite. Puis il y a comme un effort à faire, comme une difficulté là. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il dit, il répond, il y en a beaucoup qui vont vouloir entrer dans le royaume de Dieu. Mais ils ne pourront pas. seulement ceux qui vont rentrer par la porte étroite. Là, il dit au verset 25, « Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous qui posez la question, vous, gens de Jérusalem, vous, gens d'Israël, quand vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Wow! Il dit, « Va fermer la porte et vous ne pourrez pas y entrer. » Et vous allez être dehors, vous allez vous mettre à frapper dans la porte pour qu'il vous ouvre et vous laisse entrer. Ça ressemble un peu à la parabole, n'est-ce pas, des 10 vierges. Et il dit, « Je ne vous connais pas » ou « Je ne sais pas d'où vous êtes. » La réponse automatique de ces gens-là, c'est, « Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Hey, on est des Juifs, on est le peuple de Dieu, on est les Israélites. On est des gens qui vont au temple, on pratique le sabbat. On est des gens, là. On est des gens qui font partie du peuple de Dieu. Il dit, vous ne rentrerez pas. Vous ne pourrez certainement pas prendre comme argument, ah, on est juif, donc tu devais nous laisser rentrer. Il dit, non. Tu ne rentres pas là à cause que tu es juif. Non, il n'y a pas question, c'est pas ça. Il dit, il va répondre à cet argument-là, et il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais pas. Même si vous êtes juif, même si vous êtes partie du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, si je peux dire ça comme cela, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Il faut faire attention pour bien comprendre ici, parce que si on dit ouvriers d'iniquité, on veut juste dire pécheurs, il n'y a personne qui va rentrer. Ni les disciples, ni la foule qui le suit, personne. Parce qu'on est tous des pécheurs. Toute la race humaine, hommes, femmes, enfants, tout le monde est pécheur. Blanc, noir, brun, rouge, jaune, tout le monde est pécheur. Donc si la porte est fermée à tout être pécheur, ça ne marchera pas. On va voir aussi que l'iniquité dont il a part, c'est le rejet de tous les prophètes qui ont été envoyés avant Jésus, de Jean-Baptiste, qui les appelait à repentance, et l'iniquité de rejeter le Messie envoyé par lui. Rejeter le genre de royaume qu'il veut établir. C'est ça dont il parle ici. Il dit, c'est là, c'est à ce moment-là, qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Vous, Juifs, qui avez fait mourir tous les prophètes, qui n'avez pas suivi l'exemple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui étaient eux autres des hommes de foi, vous n'avez pas suivi leur exemple. Jésus leur a dit ailleurs, vous pensez que vous avez Abraham pour père? Pas vrai, vous êtes menteurs. Si Abraham serait votre foi, vous croiriez aussi en moi. Car quand Abraham a vu mon jour, il s'en est réjoui. Donc, vous n'avez pas la même foi qu'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob sont des hommes de Dieu qui vont être dans le royaume de Dieu. Les prophètes que vous avez rejetés vont faire partie du royaume de Dieu. Et vous, vous serez jetés dehors. Imaginez-vous la réaction des Juifs. Vous serez jetés dehors. Vous ne serez pas sauvés. Au verset 29, « Il y en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Il dit, « Des gens païens, des gens de toutes les nations du monde vont s'asseoir dans le royaume de Dieu. Et vous, qui avez rejeté les prophètes et le Messie, vous serez rejetés dehors. » Il est vrai, mes frères et sœurs, mes chers amis, que tous les gens des autres peuples de la terre qui rejettent aussi les prophètes de l'Ancien Testament, qui rejettent aussi Jésus-Christ, vont être aussi jetés dehors. Mais ici, on parle aux Juifs. Le but de Luc avec Théophile, c'est de montrer que les Juifs ont été rejetés par le Messie, par le chef du mouvement chrétien et par aussi l'Église qui va condamner aussi les Juifs qui rejettent la foi en Jésus-Christ. Verset 30, Et voici, il y en a des premiers qui seront les derniers et des derniers qui seront les premiers. Donc, je crois que c'est ce qu'il est en train de dire. Parmi les Juifs, les premiers, ils vont être les derniers. Et les derniers, qui vont être les païens, ben, ils vont être les premiers. Donc, il dit, c'est pas à cause que vous êtes juif que vous faites partie du royaume de Dieu. Et encore bien moins, à cause que vous pensez que vous êtes à Jérusalem, vous êtes la crème de la crème. Je vous l'ai dit au début du chapitre 13. Vous avez tous à vous repentir, que vous soyez galiléens, samaritains, que vous soyez de Jérusalem, vous devez tous vous repentir. Sans ça, vous allez périr. Sans ça, vous allez être jetés. Sans ça, vous allez rester à l'extérieur du royaume de Dieu. On va lire, si vous voulez bien, le verset 31 jusqu'à la fin. Ce même jour, quelques pharisiens lui dirent, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quelqu'un vient et dit à Jésus, pars d'ici, va-t'en, parce que Hérode veut te faire mourir. Jésus dit, allez dire à ce renard que j'en ai juste pour 3 jours. Je suis à 3 jours de marche peut-être de Jérusalem, je m'en viens. Parce que faut que je me rende à Jérusalem et c'est là que je vais mourir. Parce qu'il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Parce que Jérusalem a fait mourir tous les prophètes. C'est ce qu'il dit au verset 34. Qui tue les prophètes et ceux et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Jérusalem, tu as rejeté tous ceux que je t'ai envoyés. Ici, les pharisiens se joignent à Hérode qui déteste. Ils n'aiment pas Hérode, les pharisiens. Mais là, ils veulent faire fuir Jésus de Jérusalem parce qu'ils croient que... Puis ils prennent Hérode comme moyen de le faire fuir, comme moyen de puissance, si je pourrais dire, de le faire fuir. Jésus dit, allez dire à ce renard et à vous, ma gang d'hypocrites, que je monte pareil à Jérusalem parce que je vais mourir à Jérusalem et je dois mourir à Jérusalem. Il me reste 3 jours. Là, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les ceux que je t'envoie, ça fait si longtemps que je veux te rassembler, ça fait si longtemps que je t'appelle à te repentir parmi tous les prophètes que je t'ai envoyés depuis des centaines d'années, depuis des millénaires que je t'envoie des prophètes pour que tu te repentes. Je t'ai même donné la loi pour que tu te repentes. Mais t'as pas voulu revenir à moi. T'as pas voulu venir te cacher sous mes ailes. Et maintenant, je t'envoie le prophète, je t'envoie le roi, je t'envoie le Messie. Et tu vas le faire mourir comme tous les autres. Et Jésus dit à Israël encore une fois, tu vas être jeté dehors, tu vas être jeté dans les places où il va y avoir des grincements de dents et des pleurs, tu vas être rejeté par Dieu. Parce que tu n'as pas voulu écouter les prophètes, parce que tu n'as pas voulu écouter le Messie, c'est ça ton iniquité qui va te condamner. C'est ça qui condamne les gens. L'iniquité de rejeter les avertissements de Dieu qui veut nous rassembler sous ses ailes, qui veut nous sauver par Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il dit, Israël, tu peux être sauvé, tu sais. Ah oui, tu peux être sauvé si tu veux. Mais il va falloir que tu dises, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni Jésus de Nazareth. Béni Jésus qui meurt à la croix. Béni Jésus qui est ressuscité, qui monte au ciel. Et tant que vous ne direz pas, béni est celui qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas faire partie du royaume de Dieu Israël. Quel message quel message à Israël? Tu n'as jamais voulu écouter quand je t'ai appelé à te repentir, à porter du fruit pour ma gloire. Et finalement, tu vas crucifier mon Fils que je t'ai envoyé. Notre bon Père du ciel, merci que tu as averti solennellement Israël. Tu ne seras pas sauvé, Israël. Tu ne seras pas sauvé. Tu vas être jeté en dehors lorsque des pleurs et des grincements de dents. Si tu ne dis pas, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, tu ne seras jamais sauvé et tu vas périr éternellement. Même si tu es juif, même si tu es un Israélite, tu vas mourir. Ô Seigneur, nous qui ne sommes pas juifs, nous devons croire aux enseignements des prophètes. Nous devons croire à l'enseignement de Jésus et venir se réfugier sous les ailes de Dieu en Jésus, notre Sauveur. Amen.